Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de la résistance française, dirigé aujourd'hui par Martin Pelletier, diffusé en direct mercredi 2 mars 2016 de 18h à 21h. Il est diffusé en différé jeudi 3, dans la nuit de 2h à 5h, dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal est réalisé par Franck. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 ou par courrier électronique en nous écrivant à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Bonsoir, vous écoutez donc Radio Courtoisie, le libre journal de la liberté surveillée. Pardon, c'est la deuxième partie. Le club de la presse, nous ne sommes pas nombreux ce soir, mais les meilleurs sont là. Bonsoir Charlotte. Bonsoir. Et donc je reçois en ce moment Charlotte Dornelas et Jérôme Bourbon, qui est déjà venu tout enfin, qui est arrivé en avance, grâce à Dieu, ça nous a bien permis de bavarder un peu. Alors, il y a quelques extraits de des observations et des questions de nos auditeurs. Notre société a tout banalisé, déshumanisé, démystifié. Notre hiérarchie n'existe plus. C'est vrai, c'est vrai. Comment aimer la France ? On me fait une citation d'Adolf Hitler que je n'aime pas, donc je ne la lirai pas. Chirac, l'éternelle jeunesse. C'est un livre de Jean-Claude. Je n'arrive pas à lire, donc je ne lis pas non plus. Au sujet de Chirac, Marie-France Garraud avait dit « Je crois qu'il était du marbre dont on fait des statues. J'ai découvert qu'il est la faïence dont on fait des bidets. » Cette citation est très connue, mais Madame Garraud l'a... Enfin, la nier qu'elle avait prononcé. Bon, alors on va parler maintenant de l'actualité. On va commencer par quoi va-t-on commencer ? Est-ce que quelqu'un a envie de parler d'un sujet qui est quand même assez rigolo ? C'est celui de Redouane Faïd, le braqueur fou qui... Non, personne n'a envie de parler de ce braqueur fou qui se présente maintenant comme quelqu'un qui n'a jamais été très méchant, qui n'est pas dans l'affaire et qui, pour ses quelques peccadilles antérieures, notamment son évasion de prison avec explosifs en main, s'est repenti de tout ça. Donc je suppose qu'il n'aura aucune sanction grave. Mais ça n'intéresse pas les jeunes, visiblement. Alors, écoutez, de quoi on va parler de quoi ? Peut-être des sondages. Les sondages, ça intéresse. Non, ça n'intéresse pas non plus. C'est pas grave. Allez-y, Jérôme, dites-moi ce que vous pensez des sondages pour 2017 et quand même de la chute remarquable de Hollande et de tout son exécutif, puisque Manuel Valls est à 29% de satisfait et que Myriam El Khomri, notre grand ministre du Travail, est tombée à 11%, ce qui est assez rare quand même. Hein. Alors, il est certain que la gauche... officielle, parce que la droite est une fausse droite, donc on peut considérer que bien souvent elle est également de gauche. Mais disons que la gauche socialiste, le Parti socialiste, effectivement, a très peu de chances d'être au second tour de l'élection présidentielle en 2017. Mais il faut dire, pour être honnête, que en réalité, ce qui a permis, sous la Ve République, ces derniers temps, au président de la République d'être réélu, c'était le principe du septennat et des cohabitations, à un point tel que les politologues avaient pu dire que les cohabitations étaient une machine à faire réélire le président de la République, puisqu'au fond, c'était le Premier ministre de l'opposition qui, devenant majoritaire au Parlement, menait la politique. Comme cette politique, évidemment, faisait une majorité d'insatisfaits, de mécontents, le président de la République, lui, en bénéficiait. Donc ça a été le cas pour François Mitterrand, qui en 86 n'aurait certainement pas été réélu, mais qui après deux ans de Jacques Chirac à Matignon a pu être réélu triomphalement avec 54% des voix en 88. Et puis Jacques Chirac lui-même en a profité quelques années plus tard, puisque c'est son premier ministre Lionel Jospin qui pendant 5 ans, si j'ose dire, a fait le sale boulot, et ça a permis à Jacques Chirac d'être réélu, certes dans des circonstances particulières, puisque c'était face à Jean-Marie Le Pen, mais il est arrivé devant Lionel Jospin. Or, il est évident que depuis l'introduction du quinquennat, qui a été voté en 2000 et appliqué à partir de 2002, il est certain que c'est beaucoup plus difficile pour le président de la République d'être réélu. Je dirais même que c'est quasiment impossible. On l'a vu avec Sarkozy, qui, quoique talentueux en communication, n'a pas réussi à être réélu en 2012. Et on voit mal, en effet, ce qui pourrait permettre à François Hollande d'être réélu en 2017, et même sans doute de passer le deuxième tour, de sorte que on peut même se demander s'il sera candidat. Alors, il est certain que nous sommes à un an, un peu plus d'un an même, de la présidentielle, et qu'il peut se passer beaucoup de choses, mais on voit mal, effectivement, quand bien même y aurait-il, ce qui est peu probable, une candidature unique de la gauche, on voit mal François Hollande être au deuxième tour. Cela étant dit, c'est effectivement un phénomène qui n'est pas inintéressant, mais qui ne changera pas grand-chose, parce que si c'est pour que ce soit Juppé, c'est fondamentalement un homme de gauche, et donc ce sera la même politique qui sera conduite. On sort de la question des sondages, et j'observais Charlotte qui n'a pas l'air tout à fait convaincue que gauche ne sera pas au deuxième tour. Oui, je suis assez dubitatif sur la question. Je pense que François Hollande peut tout à fait... Dieu seul sait s'il sera candidat. Enfin, lui-même le sait sans doute, mais... Je ne sais pas s'il sera candidat. Je ne sais pas qui sera le candidat de la gauche. Ce que je sais, en revanche, c'est qu'il y a énormément de candidats potentiels à droite et que on ne sait pas à quoi ressemblera ce premier tour, en fait. Déjà, sur le plan des candidatures, et que si les voix se dispersent comme ça a déjà été le cas, et cette fois-ci à droite, il est fort probable que la gauche reste au second tour, et auquel cas elle pourrait même l'emporter si on imagine que Marine Le Pen est en face. Pour revenir sur la question des sondages, j'ai jamais été persuadée par un sondage ou un autre, parce que ils changent très régulièrement, c'est même leur caractéristique première, et je crois que l'actualité nous montre que les choses vont très très vite, notamment sur des sujets assez décisifs, je pense, au moment du vote pour les Français aujourd'hui. Je pense notamment à la question de l'immigration, qui prend une place énorme aujourd'hui dans le débat public, et je pense qu'elle sera décisive pour choisir le bulletin de vote, et en un an il peut encore se passer énormément de choses, notamment avec la vague migratoire qu'on va arriver. Alors, sur les... Est-ce que ça veut dire que Marine Le Pen a une chance même ? Elle pourrait avoir une chance. Après, ça dépendra aussi du discours qui sera porté à droite chez les Républicains. On a déjà vu un discours assez corsé sur la question. C'est possible qu'il arrive à nouveau. Il est vrai que... Alors, c'est Robert Ménard qui disait hier ou aujourd'hui, je sais pas, que le Front National devrait moins parler d'économie et se remettre à parler d'immigration. Je crois que c'est assez symptomatique comme réflexion. C'est que effectivement, c'est là-dessus que ça se joue. J'en veux pour preuve, entre guillemets, la manière dont Donald Trump est traité par les médias français. C'est-à-dire que Donald Trump est l'horreur absolue dans les médias français, alors que si on regarde sur ce qui fait des valeurs de droite, un peu de manière, comme c'est entendu de manière... assez unanime, Donald Trump est loin d'être le plus conservateur dans les candidats, mais il se trouve que c'est lui qui est épinglé en permanence par les médias français, parce qu'il est effectivement très raide, on va dire, sur la question de l'immigration et sur la question également de la présence de l'islam aux États-Unis. Et je pense que ça, c'est assez révélateur, c'est que tout se joue aujourd'hui en France sur ces questions-là. Le reste des questions qui étaient portées par la droite, qui sont notamment les questions éthiques, bioéthiques, etc., intéressent beaucoup moins. En tout cas, sont pas décisives, je crois, pour une majorité de Français. Et donc, il peut encore se passer beaucoup de choses, notamment parce que l'actualité, aussi bien sur la question de l'immigration que sur la question de l'islam, est assez tendue, assez clivante, et que beaucoup de choses peuvent se passer, et qu'on ignore en plus quel sera le discours porté par la droite pour ces élections. Effectivement, Alain Juppé n'a pas un discours de droite. En revanche, il y a d'autres candidats qui pourraient très bien l'avoir. Pensez à qui, à François Fillon. Nicolas Sarkozy est capable de l'avoir. François Fillon est capable de l'avoir. Laurent Wauquiez aussi, ça fait quand même beaucoup de gens qui sont capables d'avoir un discours comme l'était celui de Nicolas Sarkozy en 2007 et qui a effectivement plu aux électeurs, hein, ce qui mais a permis... Wauquiez n'est pas candidat, à ma connaissance. Non, il n'est pas candidat. Le maire l'est, mais pas Wauquiez. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un courant chez les Républicains qui porte ces questions-là et qui est audible et qui est attendu, en fait, même chez l'électorat de l'UMP, parce qu'il y a des Républicains, pardon. Il y a un certain nombre d'électeurs, en fait, qu'on retrouve dans les meetings, dans les rassemblements des Républicains qui portent, en fait, les mêmes sujets, en tout cas qui parlent des mêmes sujets que dans les rassemblements du Front National. Et ça, c'est assez révélateur. C'est que c'est vraiment la question qui préoccupe aujourd'hui. C'est révélateur et ça rappelle précisément les années 85-86 où vous avez exactement le même schéma. Mais cette fois-ci, il n'y a pas Jacques Chirac. C'est peut-être la différence. Et il n'y a plus Jean-Marie Le Pen à la tête du Front National. Ce qui change aussi pas mal de choses. En revanche, on peut se demander justement si le fait, effectivement, que l'actualité est porteuse sur les questions d'identité et d'immigration ne provoque pas les affaires qui sont jetées actuellement dans les pattes de Jean-Marie et Marine Le Pen. Et aussi de Sarkozy un petit peu d'ailleurs. Oui, justement pour, puisque le vent porte à droite, essayer de bloquer les candidats les plus à droite. Mais c'est sûrement, enfin je sais pas exactement quelle est la chose qui fait se déclencher ce genre d'affaires. Il est évident que le vent porte à droite. Je pense surtout qu'en fait les gens sont profondément, enfin les Français, bon c'est pas nouveau, hein, beaucoup de gens l'ont dit, mais les Français sont de droite assez naturellement, et d'autant plus quand effectivement tout ce qui a été dit par la droite, en tout cas par le discours réellement de droite, devient tout à coup évident sous les yeux de tout le monde. Et on voit, par exemple, un Manuel Valls, quand il va à Munich parler de la crise migratoire et qu'il dit il y aura d'autres attentats, qui dit qu'on ne peut plus accueillir. Enfin, il y a un vrai discours d'impuissance totale de la part de Manuel Valls. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'était un discours qui, il y a 6 mois, même pas il y a 10 ans ou 20 ans, il y a 6 mois encore, était accusé d'être un fantasme par ce même Manuel Valls. Donc il y a quand même une démission totale du gouvernement en place, mais du coup d'une idéologie portée par ce gouvernement qui a prévalu pendant des années, et pas seulement par les gouvernements socialistes, qui est quand même en train de se casser méchamment la figure. Je pense que les affaires qui touchent aussi bien Nicolas Sarkozy, sans doute pour ces raisons-là, que Marine Le Pen, que Jean-Marie Le Pen, sont très peu de choses par rapport à ce qu'est la réalité. Enfin, oui. À la fin, c'est quand même les Français qui vont mettre leur bulletin de vote, et je pense que la mise en examen de Nicolas Sarkozy, où personne n'y comprend rien, énième perquisition chez Jean-Marie Le Pen dans une affaire je pense qui n'intéresse pas grand monde. Non, c'est très technique. Hein. Voilà, c'est extrêmement technique, personne ne la suit, et je pense que devant la réalité c'est des choses qui pèseront très peu en fait. Alors, est-ce que c'est pas votre avis, Jérôme? Je pense qu'à l'évidence il y a une volonté d'humilier l'opposition, parce que par exemple nous n'avons évidemment qu'une sympathie particulière pour Nicolas Sarkozy, pour lequel je n'ai jamais voté. Mais il a quand même été chef de l'État, de leur république, de leur système, et il est traité quand même de manière particulièrement indélicate quand même, puisque on l'a mis en garde à vue, il a été écouté, à un moment donné il y a eu des écoutes quand même, on va le chercher nuitamment, etc. Donc il y a quand même une mise en scène qui me paraît pas absolument nécessaire, et ce qui n'est pas étonnant de la part de la gauche, hein. Il y a un fanatisme révolutionnaire à gauche. Je rappelle que lorsque Hollande a été élu, il n'a même pas raccompagné, comme le veut un peu une forme de tradition non écrite, son prédécesseur sur le perron de l'Élysée, hein, bon, montrant bien qu'il y avait une volonté de rupture. Donc l'inélégance de la gauche est quelque chose qui n'est pas rare, quel que soit ce qu'on peut penser encore une fois de Sarkozy, mais je pense en effet que ça n'est pas innocent. Bon, et s'agissant de Marine Le Pen et de Jean-Marie Le Pen, je ne me prononcerai pas sur le fond des dossiers dont j'ignore tout. À définition, puisque nous n'avons pas accès aux pièces du dossier, qui en plus sont assez complexes, sont de différentes natures. Mais ce qui me paraît étonnant, c'est que cette multiplication d'affaires arrive à un an de la présidentielle, alors même que, par exemple, pour l'achat de la maison de Ruelle Malmaison, elle date de 2012. Je suis quand même très étonné qu'on attende près de 4 ans pour se saisir de cette question, puisque j'imagine que les comptes personnels de Jean-Marie Le Pen et de ses enfants, notamment de sa Benjamine, doivent être quand même épluchés, surveillés, j'imagine. Ça doit être bien surveillé. Donc, je crois que d'ailleurs que Jean-Marie Le Pen a eu plusieurs, un nombre considérable de contrôles fiscaux depuis qu'il a hérité de d'Hubert Lambert. Bon, donc je crois que tout ça est quand même très surveillé. Donc tout ça est quand même très étonnant. J'ai vu dans son blog vidéo. Pas étonnant du tout, disons. Oui, pas étonnant. Dans son blog vidéo, son dernier blog vidéo, je crois qu'il faisait état de ce que le Parlement européen lui demandait de rembourser la somme mirobolante de 320 000 euros qui correspondait aux indemnités qu'avait reçues son ancien assistant parlementaire Jean-François Jalck. Et d'ailleurs, pour le remercier, elle est exclue du Front National en août 2015, ce qui est assez cocasse. Bon, 320 000 euros, et que s'il ne payait pas dans les deux mois, non seulement il y aurait des retenues sur son traitement d'eurodéputé, mais qu'il y aurait même des intérêts à payer. Enfin, bon, c'est quand même rigolo, parce que Jean-François Jalck, ça fait quand même un certain temps, hein, puisqu'il est lui-même était député, eurodéputé, enfin, qui n'est pas assistant parlementaire de Jean-Marie Le Pen. Donc ça aussi, ça remonte à... Je crois qu'apparemment, c'était de 2009 à 2014. Enfin de... Ah bon ? Et alors, c'est considéré, semble-t-il, comme un emploi fictif, à tort ou à raison, je l'ignore, par le Parlement européen. Mais enfin, on voit très bien qu'il y a une volonté de mettre sur le Front National ce qui est arrivé à l'UMP au PS. Finalement, l'histoire des assistants parlementaires européens, ce serait les emplois fictifs de la mairie de Paris du RPR. L'histoire Jeanne, affaire Jeanne, sur les comptes de campagne... Ce serait l'affaire Big Malion, bon, et l'affaire des comptes personnels de Le Pen, ce serait l'affaire Cahuzac. Bon, voilà. Donc il y a une volonté. Dire que le Front National est un parti comme les voilà, autres. Voilà, qui se présentait comme tête haute et main propre. C'est bien pire que d'être un parti nazi, parce qu'avant, il fallait le discréditer en disant que c'est un parti nazi. Encore une fois, moi, je ne me prononce pas sur le fond des dossiers, parce que je l'ignore, mais j'ignore tout, donc je n'en dirai rien, si ce n'est que cette salve d'attaque me paraît quand même étonnante et sûrement pas fortuite, encore une fois, à quelques mois de la présidentielle, tant en ce qui concerne encore une fois Nicolas Sarkozy que Jean-Marie Le Pen et sa fille. Voilà. Mais je crois qu'effectivement, elles sont certainement pas fortuites, mais je pense pas qu'elles pèsent dans la mesure où que ce soit les Républicains, le Front National, le Parti Socialiste. Je crois qu'on a tous, enfin les Français, mais nous tous, avons totalement perdu confiance dans tous les hommes politiques et encore plus dans les partis politiques. Et que du coup, apprendre qu'il y ait une nouvelle affaire, que ce soit chez les Républicains, au Parti Socialiste ou au Front National, tout le monde s'en fiche en fait. Je crois que les gens font monter des idées, des décisions, des préoccupations, mais que sur le fond, personne n'y croit plus trop en fait. Ce qui n'était pas le cas naguère, puisque au moment de l'affaire Stavisky, les gens étaient dans la rue en 34, mais parce qu'il y a une corruption maintenant du corps social qui est telle que vous savez, beaucoup de gens qui se disent à leur place on ferait comme eux, ce qui n'était pas le cas autrefois, parce qu'il y a une perte de la morale publique, de la moralité chrétienne. Je pense que, il y a plusieurs raisons à ça, mais je pense que de ce point de vue-là, De Gaulle a été extrêmement nocif parce qu'il avait fait croire qu'il garderait l'Algérie à la France et il a été parjure en quelque sorte. Et il est certain que je pense que ce mensonge dès l'origine de la Ve République, en quelque sorte, qui a été massif, et sur une question quand même essentielle, eh bien, je crois que ça a profondément corrompu le corps social. Bon, après, il y a d'autres raisons. C'est intéressant ce que vous dites, parce que je crois c'est le vieil adage latin, parce que De Gaulle n'était pas n'importe qui. Si ça avait été Stavisky, par exemple, ou Cahuzac, ou Juppé, ça n'aurait pas bien été grave, mais comme c'était le général De Gaulle, ça a eu beaucoup plus d'importance. Corruption meliorum pessima, la corruption des meilleurs est la pire. Je crois que c'est effectivement beaucoup d'effets. Alors, je lis en vrac une citation de Jacques Perret qui est très jolie. « Ce n'est pas parce que la patrie est moins aimable que je conseillerais de la moins aimer. » Sans doute, oui. Il ne faut pas confondre la patrie et la République. Oui, bien entendu, personne ne le fait ici. Mmh. Vous faites ça, vous, Charlotte ? Non. Bon, rappelons aux auditeurs que M. Chirac distribuait l'UMA, oui, d'accord. Même les gens de droite n'osent pas se l'avouer. La France est coupable et responsable de la destruction de la civilisation européenne. Mais non, à cause des trois guerres. Enfin, la France n'a pas été la seule cause de ces trois guerres. Pourrait-on envisager, quitte à faire de la futurologie, qu'il n'y ait pas d'élection du tout en 2017 hein. On peut toujours tout dire. C'est pas totalement absurde. Mais il est certain que la démocratie corrompt tout, de toute façon. C'est certain que je suis de ceux qui pensent que croire à un salut près les urnes, surtout dans les circonstances présentes, personnellement, me paraît plus qu'aléatoire pour être aimable. Alors, qu'est-ce que vous pensez possible, deuxième tour, Valls-Marine ? Bah, de toute façon, il faut quand même dire les choses. Je crois qu'il faut pas se laisser. Je crois qu'il faut toujours essayer d'analyser les choses froidement, lucidement, objectivement, sans passion. Moi, je ne vois pas, honnêtement, je pense que c'est le cas de tous les analystes politiques sérieux, je crois. Je ne pense pas que Marine Le Pen ait la moindre chance au deuxième tour. Elle a de très fortes chances d'être au deuxième tour. Elle y fera sans doute un score non négligeable. Mais de là à gagner l'élection présidentielle, c'est-à-dire faire plus de 50% des suffrages exprimés, ça me paraît absolument impensable. Dans la mesure où le Front National n'a pas réussi à obtenir un seul département aux élections départementales, une seule région aux élections régionales, je ne vois pas ce qui tout à coup pourrait permettre une élection nationale où il est évident que la mobilisation de ses adversaires sera encore beaucoup plus forte, beaucoup plus intense. Mais la question c'était sur Manuel Valls. Hein, oui, oui. Je ne sais pas quel sera le candidat de gauche. Encore une fois, je ne pense pas, maintenant, on sait très bien qu'en politique il peut se passer beaucoup de choses et qu'un an c'est une éternité, mais je vois mal personnellement comment la gauche pourrait être au deuxième tour. Je rappelle quand même que quand on regarde les résultats des élections départementales et régionales, eh bien c'est quand même essentiellement la droite parlementaire ou ce qui en tient lieu et le FN qui sont retrouvés le plus souvent ensemble, ce qui d'ailleurs n'est pas le meilleur scénario pour le Front National puisqu'il ne dispose pas dans cette hypothèse de réserver de voix. Et disons que le scénario le plus probable, si on me permet de faire un peu de politique fiction, hein, je me lance si j'ose dire, ce qui est le plus probable, c'est que Marine Le Pen fasse un très gros score au premier tour, mais qu'elle ne progresse quasiment pas, du moins en pourcentage, entre les deux tours. Ce qui risque à l'euphorie qu'il y aura au premier tour, il risque d'avoir une gueule de bois, si vous me permettez cette expression, après le deuxième tour, un peu comme on l'a vu au régional, et peut-être en pire, parce qu'on peut penser qu'elle fera quoi, 30 à 35 hein, au deuxième tour, surtout si c'est face à Juppé. Et il est certain que les gens se diront, eh bien, on n'y arrivera jamais. Et donc, et là, il risque d'y avoir non seulement des règlements de compte en interne, qui pour l'instant, personne n'ose, même les mécontents, parce qu'il y a la présidentielle, législatives, les investissures, le financement public lié aux élections législatives, mais je crois qu'il faut quand même essayer de voir un peu plus loin et c'est ce vers quoi on tend. Moi, si vous voulez, je veux dire, je ne me sens pas capable, si vous voulez, à la tête de Rivarol, de dire aux gens allez-y, c'est sûr, on va gagner en 2017, parce que qu'on ait pu le croire peut-être au départ en 1988, à la première élection présidentielle de Jean-Marie Le Pen après l'émergence du Front National, bon, après il y a eu 95, il y a eu 2002, bon, 2007, 2012, 2017, il y a un moment donné, moi si vous voulez, je me refuse à mentir, quoi, à me mentir à moi-même et à mentir aux d'accord. autres. Voilà, c'est tout. Hein. Sur cette question, on n'a rien à dire, je suis plus Charlotte. Non. Mais vous parliez tout à l'heure de Donald Trump. Pour moi, c'est un très joli sujet, Donald Trump, parce que c'est quelqu'un à la fois pour lequel je n'ai strictement aucune sympathie, et pourtant qui a une place intéressante, puisqu'il... Il permet aux contradictions du système américain de se manifester. Et on voit bien qu'il est l'objet d'une haine assez grave de tout le système, et notamment de tout l'établissement du Parti républicain. Mmh. Qu'est-ce que vous en pensez de ce... Ce qui est intéressant, c'est qu'il a percé grâce ou à cause de ça, en fait. C'est qu'au tout début, quand personne ne croyait en lui et que les gens rigolaient, en fait, en disant la bulle Trump va éclater toute seule, en juillet dernier notamment, où tout à coup il s'est attaqué aux têtes de son propre parti, et c'est là qu'il a commencé à décoller dans les sondages, et ensuite en parlant de l'immigration, je pense que c'est vraiment s'il a décollé et si les gens ont décidé de le soutenir aux États-Unis, c'est précisément parce qu'il est le candidat contre le système. C'est aussi celui qui a une telle fortune personnelle qu'il est l'homme de personne, si ce n'est de lui-même. Moi, c'est pour moi pas la panacée, parce qu'il n'y a pas énormément de profondeur non plus dans son discours, et qu'on se demande bien ce qu'il fera une fois que il a dit tout ça, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il dirige quand même certaines choses, et c'est marrant de le voir déjà aux États-Unis, mais également le comportement des médias européens, notamment français, sur le sujet. Il a osé s'attaquer à ce à quoi on ne s'attaque pas, c'est-à-dire effectivement en fait, il se passe aux États-Unis ce qu'on observe dans beaucoup de pays européens, c'est-à-dire un rejet massif du système, et après tout, quelle que soit la personne qui porte ce rejet-là, elle est soutenue. Enfin, elle trouve un soutien populaire, et ça, c'est assez intéressant que ça arrive aussi aux États-Unis. Partout, c'est quelque chose. Partout. Dans tout le monde occidental blanc. C'est clair. Alors, la principale force, la première force de Donald Trump, c'est d'avoir une indépendance financière. Et ça, je crois que c'est extrêmement important, parce que lorsque quelqu'un dispose d'un patrimoine qui lui permet d'être libre, de ne pas dépendre de partis, de Sénat, le groupe de pression, c'est une force considérable. Et on sait combien les élections coûtent cher, plus encore aux États-Unis, mais également en France. Je m'étais amusé à regarder les dernières élections présidentielles et j'avais constaté de façon quasi systématique que c'était le candidat qui avait le plus dépensé qui était élu et qu'en général, l'ordre d'arrivée correspondait à l'argent qui avait été dépensé. En général, le dernier était celui qui avait le moins dépensé, le premier celui qui avait le plus dépensé. Donc, si vous n'avez pas d'argent, eh bien, vous n'avez quasiment aucune chance dans un système démocratique dont on sait qu'il est fondamentalement plutocratique et mercantile. Mais s'agissant de Trump, là pour le coup, le fait à 70 ans, eh bien, de pouvoir d'avoir bénéficié d'être milliardaire, donc de bénéficier d'une grande indépendance, d'autant que est une force considérable. D'autant que aux États-Unis, je n'ai pas beaucoup de sympathie pour les États-Unis, mais je dirais que ça, c'est peut-être un aspect qui est positif par rapport à la France, c'est que les États-Unis ne sont pas dans la culture de l'envie, c'est-à-dire de critiquer, de condamner ou de suspecter quelqu'un qui a réussi dans sa vie. On a tendance à avoir de la considération pour lui en disant ben, il a travaillé, il a eu du talent, il a eu des dons, il a réussi, il a sans doute aussi un peu de chance, il en faut. Bon, alors qu'en France, il est certain que tout de suite, quelqu'un qui a réussi, que fût-il millionnaire ou milliardaire, eh bien tout de suite, eh bien cela crée des haines, des jalousies. Ça, il faut reconnaître que depuis la Révolution française, il y a quand même une envie, dont je rappelle que c'est un des principaux péchés capitaux, qui est quand même particulier, qui est quand même grave. Hein. Se réjouir du mal qui arrive aux autres, et ça tristesse du bien, et ça je crois que malheureusement c'est un travers hélas, certes humain en général, mais hélas très français au moins depuis la Révolution française, et malheureusement c'est quelque chose je crois qui est très paralysant. Bon, donc je ferme la parenthèse. Donc de ce point de vue là, Trump a cette chance là, c'est un orateur brillant, un battleur, un tribun incontestablement. Alors il tient un discours à la fois contre l'établissement politique dont Hillary Clinton est un fleuron en quelque sorte, est un représentant par excellence, bon, et par ailleurs contre l'immigration massive, parce que au fond ce qui se passe aux États-Unis se passe également en Europe et inversement, c'est qu'au fond nous avons affaire à des peuples qui comprennent qu'ils sont en train de mourir et qui ne veulent pas mourir, parce que lorsqu'on a des enfants voire des petits-enfants, eh bien comment ne pas être angoissé de voir l'évolution du monde et de se dire eh bien comment vont-ils vivre demain, et par conséquent eh bien c'est la question de l'existence même de la pérennité d'un peuple, d'une civilisation qui se pose. Jérôme, je coupe absolument, mais justement, il y a quelque chose qui me gêne. Moi, je ne sais pas, vous avez peut-être me détrompé l'un et l'autre. C'est que si on le compare, et les gens le comparent implicitement, Le Pen, qui était lui aussi un sacré tribun, un indépendant et tout, c'est qu'il y avait, et qu'il y a toujours chez Jean-Marie Le Pen, une forte conviction et une culture intellectuelle. Morale politique très solide, historique aussi, qui faisait notamment sur toutes les questions liées au droit naturel une doctrine forte chez Jean-Marie Le Pen qui ne me semble pas exister chez Trump. On a l'impression que Trump, justement, c'est un anti-système, c'est un type qui a compris la gravité de la question migratoire, mais pour le reste, je ne le vois pas aussi solide que cela. Voilà. Mais il ressemble, il est le candidat anti-système qui représente les forces anti-système de nos sociétés qui ont abandonné tout le reste, je crois. Et c'est pour ça qu'il est aussi sollicité. Je pense que le parallèle qui est fait avec Jean-Marie Le Pen, en fait, est fait sans tenir compte du contexte dans lequel ces gens-là montent, et qu'aujourd'hui Donald Trump représente ce qu'est l'anti-système. C'est l'anti-système pour les nuls, alors, en quelque sorte. Ben, c'est l'antisystème de 2016, en fait. Oui, et je crois que la société s'est débarrassée de beaucoup d'autres sujets qui comptaient il y a encore 30 ans ou 40 ans pour les personnes qui étaient de droite et qui ne comptent plus aujourd'hui. Ben, regardez tout cas, la manif pour tous. Il y a quand même autre chose qui compte pour une partie de la droite, me semble-t-il. Il y a autre chose, mais ces gens-là, je ne pense pas que ce soit ceux qui vouent Donald Trump au nu. Cela dit, jusqu'à présent, moi, je dois dire, je ne connais évidemment pas intimement de Trump, mais je trouve que jusqu'à présent, il a quand même manifesté un certain courage. Parce que, par exemple, il n'a pas, d'après ce que j'ai lu dans les dépêches, il n'a pas rejeté le soutien de David Duke, par exemple, qui est quand même très marqué, qui est révisionniste, qui a participé à la conférence de l'Iran sur l'Holocauste en 2006, qui a été grand sorcier du Ku Klux Klan, même si depuis il a évolué. Oui, mais ça, c'est justement de l'antisystème, mais ce n'est pas une grande solidité doctrinale. Ah bah comme David Duke, a écrit des articles remarquables sur le communisme, sur beaucoup de sujets, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout négligeable. qui me paraît être quelqu'un tout à fait estimable à bien des égards. Bon, je crois que c'est un sujet qui intéresse plus personne. Mais en tout cas, le fait, si vous voulez, qu'il n'ait pas eu ce réflexe pavlovien qui consistait à condamner sa droite, ce qu'on fait trop souvent, je crois que c'est plutôt à mettre à son crédit. Maintenant, effectivement, je ne sais pas ce qu'il pense fondamentalement, mais je pense qu'il faut quand même un certain courage. Moi, j'avoue que j'aime le courage, quel qu'il soit. Et il est tellement rare, et donc, de ce point de vue-là, il y a un certain courage. Alors après, évidemment, il y a sans doute des faiblesses chez Trump, je n'en attends pas plus que ce qu'on peut en attendre, mais le fait qu'il soit quand même diabolisé par l'ensemble de l'établissement américain, par la presse française également, oui, me paraît plutôt positif, et les propos qu'il tient jusqu'à présent, je n'ai rien vu là de particulièrement choquant, et au contraire, il me semble qu'il a un discours assez musclé, et d'ailleurs, les observateurs ont pu constater que la participation aux élections primaires américaines avait beaucoup augmenté chez les républicains. Des gens qui ne votaient pas, eh bien, sont revenus vers les urnes parce qu'ils ont le sentiment d'avoir un discours de vérité avec une certaine sincérité. Alors, je ne sais pas si Trump est sincère ou si c'est uniquement pour faire des voix. Ça, je ne sonde pas les reins et les cœurs, mais l'avenir le dira. Mais ce qui est certain, en tout cas, c'est que je crois qu'on a un besoin de vérité. Et je crois qu'il y a un certain nombre de gens qui sentent confusément les gens qui les trompent, qui les mènent en bateau, qui les manipulent, et ceux qui essayent, eh bien, d'exprimer les angoisses, les espoirs, les craintes de la population et d'un peuple qui se meurt et qui se voit en train de mourir. Je rappelle que vous écoutez Radio Courtoisie, le livre au journal de la liberté surveillée, avec ce soir Jérôme Bourbon et Charlotte Dornéas. Je vais lire quelques réactions d'auditeurs. Alors d'abord, pour revenir avec une meilleure écriture à ce qui a été dit tout à l'heure, Chirac était à gauche, Jacques Chirac, une éternelle jeunesse de Michel Barcet, éditeur Jean-Claude Gavsevitch, mai 2005. Voilà. Savez-vous qu'à la Basilique Saint-Denis, un artiste africain va recouvrir tous les gisants des rois de France avec des créations de tissus africains pour que les étrangers ne sentent plus exclus de ces lieux ? Je suis scandalisé. Alors, je ne sais pas ce que c'est. J'étais à la basilique de Saint-Denis il y a quelques jours. Il y a effectivement une exposition, mais qui n'est pas du tout de tissu africain, qui est fait effectivement par un homme qui est lui-même africain, sur les robes des reines de France, mais qui sont dans les chapelles annexes. Et il y a juste les robes. Je n'ai pas vu de tissu africain. C'est des robes qui sont celles des reines de France. Alors, c'est peut-être autre chose dont parle l'auditeur, mais en l'occurrence, sinon, c'était. Voilà, mais en l'occurrence, c'était plutôt joli et pas. Joli. Ah, d'accord. Alors, on voit des affiches de l'Union Républicaine Populaire, URP, qui annonce être le seul parti contre l'Union Européenne. Non, c'est pas le seul. Et l'euro et l'OTAN, ceci est très séduisant. Qui sont ces gens? Est-ce que quelqu'un veut parler d'URP? Moi, je m'en dirai deux mots. Bon, son président est François Asselineau, qui est énarque, qui est une personnalité cultivée, assez très volubile, assez brillante, et qui a pour... objectif, effectivement, et comme principale thématique, eh bien, la sortie de l'Union européenne et de l'OTAN. En revanche, il faut reconnaître que ce mouvement n'aborde pas la question de l'immigration, dont il ne considère pas qu'il s'agit là d'un problème essentiel pour la France. Je crois qu'il faut quand même le préciser pour être honnête. En revanche, les analyses qu'il développe relativement à l'Union européenne, relativement à l'OTAN, paraissent tout à fait fondées, pertinentes, intelligentes. Voilà, l'inféodation aux États-Unis, à l'Union européenne. Donc, de ce point de vue-là, tout ce qui va dans le bon sens doit être salué. Donc, de ce point de vue-là, je crois que c'est un travail qui est utile. Mais encore une fois, je pense qu'il y a peut-être la crainte, mais encore une fois, je ne sonde pas les reins et les cœurs, la crainte d'être diabolisé en évoquant d'autres questions un peu plus, comment dirais-je, passionnelles ou un peu plus controversées, comme celle de l'immigration massive, qui est pourtant un sujet essentiel, puisqu'il s'agit même véritablement d'un grand remplacement maintenant, puisque même dans les campagnes, maintenant, on voit à quel point ce grand remplacement prend une dimension de plus en plus inquiétante au fil des années. Alors, un auditeur, ou une auditrice, je ne sais pas, il revient sur le général de Gaulle, alors je vais lui répondre, moi. Le général de Gaulle est le seul homme d'État que la France a eu au XXe siècle. Il s'est mis à dos les Américains et les Israéliens, c'est un critère absolu. Alors, bien sûr, le général de Gaulle était un homme d'État. Bien sûr, il a eu vraiment une véritable notion, plus que cela, de l'indépendance nationale. Ça n'empêche que, sur ce qu'a dit Jérôme Bourbon tout à l'heure, et sur d'ailleurs d'autres questions, il a contribué à démoraliser la France en ne faisant pas l'union nationale et en excluant les meilleurs des nationaux. Voilà, c'est tout. Ça n'empêche pas que c'était quand même un grand homme d'État. Alors, on va passer à tout autre chose. J'aimerais qu'on parle d'un sujet qui est quand même passionnant, parce qu'il est à la fois intéressant par lui-même et parce que c'est aussi une des sources de l'afflux des migrants aujourd'hui, c'est la question syrienne. C'est la question syrienne qui continue pas à s'aggraver, mais à faire parler d'elle. Alors, il y a d'un côté un cessez-le-feu. Il y a d'un autre côté, visiblement, un très gros contentieux entre la Turquie et la Russie. Il y a sur le terrain une situation militaire et humanitaire qui n'est pas réglée. Et il y a enfin, politiquement, un faux accord entre la Russie et les États-Unis. Alors, Charlotte, je crois que c'est une question qui vous tient à cœur et que vous connaissez un peu sur le terrain. Mmh. Alors, racontez-nous ce que vous en pensez. Effectivement, depuis quelques jours, on a vu les grandes puissances qui s'affrontent. C'est-à-dire que le jeu est devenu un petit peu plus clair sur la Syrie, de la prétention d'une guerre civile qu'on nous a servi pendant quelques années. On s'est rendu compte qu'en fait, elle n'était pas si civile que ça, ou en tout cas pas que civile. Il y a effectivement des Syriens qui ont pris part à ce conflit et qui continuent à prendre part à ce conflit, mais ils ne sont pas les seuls. Alors, il y a eu pendant des années énormément de combattants étrangers. Il y a aujourd'hui en Syrie. Il y a aujourd'hui en Syrie des djihadistes venus de 81 pays différents. Donc, pour une guerre civile, c'est quand même assez énorme. Ensuite, effectivement, on voit bien, il y a la question de la Russie contre la Turquie, de l'Iran contre l'Arabie Saoudite, des États-Unis qui ont des intérêts dans la région, notamment pétroliers, de la France qui s'occupe des États-Unis, du Hezbollah contre Israël, des Kurdes contre les Turcs. Enfin, il y a énormément d'intérêts qui se jouent et qui font dire d'ailleurs à la plupart des Syriens, et ce depuis plusieurs années, que cette guerre n'est pas la leur et qu'ils commencent à être sacrément épuisés par tous ces intérêts qui se jouent dans leur maison, quoi. Donc ça c'est pour la clarification un petit peu des différents intérêts des différents pays en fait qui sont intervenants depuis le début dans cette guerre. Alors ça devient plus clair, il l'était au moins médiatiquement, politiquement, cette guerre a été aussi médiatique et politique et ils y ont pris leur part dès la première seconde. Sur la question du cessez-le-feu, là pour le coup la Russie a été assez maligne, parce que d'abord elle est la première à obtenir un cessez-le-feu en Syrie, et Dieu sait si on en a parlé plus tôt et que personne n'avait réussi à le faire parce que personne ne le voulait, ce cessez-le-feu, évidemment. Sur le terrain, ce cessez-le-feu, évidemment, est assez restreint parce que, et c'est là où c'est habile de la part de la Russie, c'est qu'ils se sont entendus avec les États-Unis pour que le cessez-le-feu ne concerne pas ni l'État islamique, ni le front al-Nusra, qui est donc Al-Qaïda en Syrie, et ses alliés. Donc, pour l'État islamique, tout le monde était d'accord. Le front al-Nusra, que nous avons soutenu officiellement pendant 3 ans... Rappelez la phrase de Fabius. Voilà, Laurent Fabius qui avait dit que le front al-Nusra, qui est donc Al-Qaïda en Syrie, faisait du bon boulot sur le terrain. Donc on a cessé officiellement de les soutenir il y a maintenant 2 ans. Tout le monde s'entend à dire maintenant que c'est effectivement Al-Qaïda en Syrie et que ce sont des terroristes comme les autres. Et leurs alliés. Et il se trouve aujourd'hui que ce cessez-le-feu a pu montrer que finalement 4/5 des rebelles en Syrie sont bien des terroristes, puisque 4/5 des rebelles ne sont pas concernés aujourd'hui par ce cessez-le-feu. Pour ce qu'il reste, en fait, c'est essentiellement au sud, la ville de Deraa par laquelle cette révolution, cette guerre, a commencé, et celle qui profite le plus de ce cessez-le-feu, puisque là-bas, il y a 1200 rebelles qui se sont rendus, enfin, qui ont accepté le cessez-le-feu. Et donc, ça laisse souffler d'une part l'armée syrienne, D'autre part, la population aussi, et il se pourrait que la question soit réglée par ce cessez-le-feu dans la région de Deraa. Il y a une zone juste à côté qui est tenue par l'État islamique dans le sud, mais à part ça, il se pourrait que le front du sud disparaisse grâce à ce cessez-le-feu. Donc c'est pas anecdotique non plus. Voilà. Après, ça a surtout, en fait, je pense, aidé à clarifier cette question des rebelles modérés qui n'en sont pas pour l'immense majorité de ces gens-là. Dans le sud, il faut savoir aussi qu'il y avait beaucoup de Syriens qui se battaient, et donc beaucoup de Syriens qui se battaient dans l'opposition, je veux dire. Et donc la population qui vivait dans les zones contrôlées par l'armée disait assez régulièrement qu'en fait ils arrivaient à s'entendre sur pas mal de choses. Et là, pour le coup, c'était une guerre entre Syriens et qu'il y a quand même des choses auxquelles ils tiennent tous. Et donc ils étaient capables de parler entre eux, ce qui n'était pas le cas à Alep où la plupart des combattants, par exemple, arrivaient de la Turquie et venaient dans l'immense majorité de l'étranger. Alep, qui est privé d'eau et d'électricité depuis maintenant 8 mois quasiment sans interruption, par un Libyen qui tient la pompe d'électricité. On a vu ailleurs que c'est un Saoudien qui décide des zones de contrôle à la sortie des villages. Enfin, c'est voilà, ils ont enfin ce cessez-le-feu et les dernières semaines ont montré que cette guerre n'était pas celle des Syriens. Et en tout cas, si des Syriens se battent, c'est pas eux qui tiennent les rênes, c'est absolument évident. Donc. Et une autre question sur le terrain avant de donner la parole à Jérôme sur le nord-ouest de. Au nord de Latakié, le pays à la frontière de la Turquie, vers le Sanjak d'Alexandrette, ça donne quoi en ce moment ? Alors il y a d'un côté Alep, donc il y a eu ces fameux bombardements de la Russie, en fait, en appui de l'armée syrienne. Il y a eu une grosse offensive. Alep qui avait été totalement abandonnée, hein, pendant 3 ans, personne ne s'occupait d'Alep, ça ne bougeait pas, donc l'armée syrienne n'intervenait pas non plus. Et il y avait, en fait, Alep est coupée en deux aujourd'hui, donc il y a la partie ouest qui est contrôlée par l'armée syrienne, la partie est par des rebelles qui sont rentrés en juillet 2012, et totalement encerclée par ces mêmes groupes rebelles. Alors il y en avait... Les Alépins avaient l'habitude de dire qu'il y avait 16 groupes rebelles différents, donc bon, savoir qui est là, c'est un peu compliqué. Il se trouve qu'ils se comportaient un peu tous de la même manière, c'est-à-dire en bombardant avec des obus la partie ouest qui était tenue par l'armée. Aujourd'hui, l'armée syrienne, appuyée par la Russie, a récupéré, on va dire, deux zones de la banlieue d'Alep, ce qui permet de couper l'approvisionnement, en fait, des groupes rebelles. Donc, pour la population d'Alep, c'est à la fois, sur le long terme, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Oui, sans doute. C'est-à-dire que s'ils arrivent à désencercler la ville, ça peut être une bonne nouvelle. Ça les relie aussi au pays. Ils se sentaient quand même totalement, et à juste titre, séparés du reste du pays. Maintenant, comme les groupes rebelles sont quand même là encore autour, ils se vengent naturellement sur la population. La situation est plus grave encore aujourd'hui pour les habitants d'Alep. C'est fragile aussi. Et je le précise et je passe un peu de temps dessus, puisqu'on a vu que les bombardements russes sur Alep ont fait parler tout à coup d'Alep dans les médias occidentaux. Alors c'est parfaitement vrai qu'une bombe russe ne fait pas moins de dégâts sur les civils qu'une bombe saoudienne ou des rebelles ou de je ne sais qui. Mais il est certain que les civils, et d'ailleurs des deux côtés du front, souffrent à Alep depuis 4 ans. C'est pas depuis 3 semaines et depuis les bombes russes. Elles font des dégâts évidemment considérables aussi sur la population civile, mais la population civile ne souffre pas que des bombardements russes en Syrie. Ce serait assez, assez malhonnête de croire qu'elle a commencé à souffrir il y a 3 semaines, ou même il y a 3 mois. Pour ce qui est de l'autre partie qui est plus contrôlée par les Kurdes, donc la partie plus est, et plus au nord en fait, plus le long de la frontière... Le long de la côte aussi, au nord de Latakié. Alors au nord de Latakié, c'est assez calme en fait. Hein, c'est assez calme, c'est une zone qui est alawite, qui est extrêmement bien protégée. Elle fait partie de la Syrie utile qui a été défendue envers et contre tout au plus fort de la guerre. Et donc c'est des régions qui sont assez calmes. À la frontière turque, il y a des villages, notamment arméniens, qui ont été pris d'assaut par des djihadistes et qui finalement ont été libérés. Il y a notamment le village de Kessab, qui est vraiment à la frontière turque. On voit la Turquie depuis ce village-là, qui a été attaqué. Et les habitants racontaient d'ailleurs que quand les djihadistes avaient attaqué ce village-là, les obus partaient des postes de frontière turque. eux-mêmes. Oui. Donc savoir qui les tirait, c'est difficile de savoir. En revanche, ils partaient bien des postes frontières turques. Donc voilà. Et puis de l'autre côté, il y a les Kurdes. Alors des Kurdes qui font, il y a plusieurs courants, on va dire, chez les Kurdes. Il y en a certains qui s'allient avec le gouvernement syrien, d'autres qui jouent cavalier seul. Ils sont effectivement attaqués par la Turquie, d'autres par l'État islamique. Mais on voit aussi que quand l'État islamique s'éloigne, c'est-à-dire que quand la menace de l'État islamique passe, les Kurdes reprennent l'offensive sur leur territoire et que les minorités ont du mal à survivre. Voilà, les Kurdes vont demander à ce qu'on parle kurde dans les écoles publiques, ce qui est totalement nouveau en Syrie, ce qui n'avait pas eu l'occasion de faire avant. Donc les Kurdes profitent aussi de la situation. Ce sont des alliés de circonstance pour beaucoup de minorités parce que face à l'État islamique, ils sont efficaces d'une part et réellement, ils combattent réellement l'État islamique. En revanche, quand l'État islamique s'éloigne, revient les revendications kurdes d'un État indépendant et qu'il soit uniquement kurde. Donc les minorités ont du mal aussi à vivre en leur présence. Donc voilà, ces régions, je pense, révèlent aussi toute la difficulté de ce conflit qui réveille un petit peu différentes communautés mais aussi différentes régions, beaucoup plus qu'en fait un phénomène religieux en Syrie qui avait quand même été et qu'on se rend compte qu'en fait c'est nationalisme arabe ou le parti basque qui voulait unifier. Il y a une réelle unité de la Syrie, c'est-à-dire qu'avant le début de cette guerre, les Syriens vivaient effectivement tous ensemble, que l'immense majorité de la population aujourd'hui regrette ce temps-là et voudrait que ça recommence, mais que ça va être difficile, et tout le monde s'en rend compte, ça va être difficile parce que ce conflit a réveillé quand même des différences au sein d'un même pays et que tout n'est pas simple. D'accord. Jérôme. Je dois dire que, puisque Laurent Fabius a quitté le gouvernement, il me paraît quand même important de redire que les dirigeants français en général et le ci-devant ministre des Affaires étrangères en particulier ont joué un rôle tout à fait détestable dans cette affaire, puisque le fanatisme anti-président syrien a atteint des sommets, puisque même la France a armé un certain nombre de rebelles. Et je crois que c'était Philippe de Villiers qui disait... Je crois que sur ce point, il n'a pas tort, que sans doute que les attentats du 13 novembre eussent pu être évités si la France avait été en liaison avec le président syrien, les services secrets syriens, qui étaient parfaitement au courant d'un certain nombre de dangers, de réseaux de l'État islamique. Et par conséquent, on a été privé d'un certain nombre de renseignements extrêmement précieux du fait de l'attitude extrêmement agressive, totalement hostile, de manière d'ailleurs tout à fait déraisonnable de la part de la France. Mais je crois que Laurent Fabius, il agit ainsi, en grande partie, c'est parce que, encore une fois, il défendait beaucoup plus les intérêts des États-Unis et surtout de l'entité sioniste dont il est proche que de la France. Et c'est bien ça qui est dramatique. Et dans cette affaire, alors que quand même la France, historiquement, avait une politique arabe, c'est connu, la politique du Quai d'Orsay pendant très longtemps, on doit constater avec beaucoup de tristesse que le prestige de la France dans le monde a fortement reculé à cause de l'alignement de notre pays, en tout cas de ses dirigeants, sur une politique, je dirais, pour faire simple, américano-sioniste, qui n'était absolument pas celle qui prévalait au Quai d'Orsay pendant très longtemps. Et il est certain que Laurent Fabius, il n'est pas le seul, mais il est certain qu'il a joué un rôle tout à fait détestable dans cette affaire. Cette diabolisation du président Bachar el-Assad a eu des conséquences tout à fait désastreuses. Et d'ailleurs, je crois que c'était dans une interview à l'heure actuelle que Bachar el-Assad disait à juste titre: mais au nom de quoi le président Hollande se permet-il de s'immiscer dans les affaires internes de la Syrie? Est-ce que moi je vais contester sa légitimité, sa légalité? C'est vrai que c'est quelque chose d'hallucinant et d'insupportable que les dirigeants français se permettent de donner des leçons de morale au monde entier, surtout quand on voit comment ils se comportent, tant sur le plan d'ailleurs public que sur le plan personnel, parce qu'on ne peut pas dire que même la vie privée de Hollande soit particulièrement ragoûtante. Bon, et donc il est tout à fait que dire du fils de Laurent Fabius, hein, je veux dire, bon, qui laisse des ardoises par 1 million d'euros dans les casinos, dans une série de lieux de, sinon de débauche, en tous les cas, de, où les noctambules aiment se rendre, bon, eh bien, je veux dire, ça ne l'a pas empêché d'être président du Conseil constitutionnel, dont je précise que c'est une assemblée souveraine, dont, c'est-à-dire dont les décisions ne sont pas soumises à appel. Par conséquent, lorsqu'elle prend une décision, lorsque cette juridiction, enfin cette assemblée prend une décision, eh bien, elle est définitive, ce qui peut avoir quand même des conséquences extrêmement fâcheuses dans un certain nombre de domaines. Alors, je rappelle que vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de la liberté surveillée, avec ce soir Charlotte Dornelas et Jérôme Bourbon. Alors, bizarrement, les questions et les réflexions, parce que c'est toujours très mélangé, ne portent pas du tout sur la Syrie, mais sur des questions antérieures. On me signale qu'il existe une bande dessinée sur les présidentielles, sur Marine Le Pen et Gérard Longuet. Une question. Pourquoi dire que Marine n'a aucune chance ? On n'a pas exactement dit ça, mais enfin, aussi bien, Jérôme a très bien, très longtemps expliqué que les chances au deuxième tour sont faibles, tout simplement, parce qu'il y a tout un système qui se coalise. On l'a bien vu en 82, où le résultat a été 80-20. Si on regarde les résultats depuis 30 ans, 35 ans du Front National au second tour, au scrutin majoritaire à deux tours, le scrutin majoritaire à deux tours, avec 50% des voix, c'est très rare que le Front National ait pu l'atteindre. Il y a eu quelques municipalités, France Tirebois, avec une forte abstention. Bon, c'était un contexte très favorable, c'était le début, vous savez, de l'affaire du foulard, voilà. Avec Ernest Chenière, qui était proviseur à Creil, proviseur martiniquais, qui donc... effectivement, ça avait favorisé le Front National de manière encore une fois sporadique, épisodique, et sur une circonscription que d'ailleurs elle n'a pas pu garder par la suite. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'y revenir. On a très bien expliqué la question tout à l'heure. Alors, justement, un compliment, Jérôme Bourbon, c'est un vrai baume régénérateur pour la conscience et pour l'âme que de vous écouter. Alors, on revient sur Trump. Est-ce que Donald Trump a un lien avec le Tea Party ? Je ne crois pas. Il a de lien avec personne, c'est ça ? Pas ma connaissance. Et d'ailleurs, toute une série des Tea Party est assez hostile à Trump. Mais je crois que, de toute façon, ce qui se passe aux États-Unis, c'est un petit peu passé en France, c'est que la droite, tout ce qui en tient lieu, ne cesse de se gauchir, de se recentrer, d'abandonner ses positions traditionnelles. Et par conséquent, cela laisse un espace, évidemment, à une personnalité issue de ce qu'on appelle, à tort ou à raison, la société civile, et qui, bénéficiant de son talent, bénéficiant de ses moyens, fait irruption, en quelque sorte, dans le jeu politique. Absolument. Alors, Chirac n'a-t-il pas commencé sa carrière politique au Parti communiste ? Non, madame, il a distribué l'humanité, mais il n'était pas... Et alors, vous dites par ailleurs que les îles de Grèce vont devenir le Kosovo. Non plus. Parce que les Grecs ne sont pas si bêtes qu'ils ont dans l'air. Ils laissent passer, mais ils ne gardent pas. Je sais pas si mes vacances à Chios, il y en a plein qui passent, mais ils s'en vont tout aussi. Comme vite, la Sicile. Hein. Comment c'est... Comme la Sicile. Mais oui. Les Siciliens, je me souviens d'avoir été à Lampedusa ou en Sicile, là où accostent énormément de bateaux. Et les Siciliens nous disaient, mais nous, on n'a pas de problème, parce que quand ils arrivent, déjà, ils se tiennent très bien, on n'a pas de problème, ils attendent d'aller ailleurs, et ensuite, nous, on sait qu'ils ne resteront pas. Donc, en fait, ce n'est même pas un sujet pour eux. Il y a quand même un problème, enfin, en Grèce, ce que j'ai connu, c'est que simplement, ça coûte cher l'accueil, et que l'Union européenne ne paye pas ce qu'elle devrait payer. Pour l'Italie, ça, sur un plan financier, oui, mais il n'y avait pas cette angoisse. Ah non, ils passent, ils font le passé. Alors, une question plus sérieuse, que vous inspire le traité transatlantique dont la signature de l'accord a été reportée cette année à 2016 ? Quelqu'un veut répondre ? Écoutez, ce que j'en pense, en fait, c'est très difficile d'en penser quelque chose puisque tout vous est caché, précisément, et qu'il ne m'inspire pas confiance qu'un traité soit négocié et soit accessible aux représentants du peuple, sans téléphone portable, sans possibilité d'écrire ce qui est dedans, avec une escorte et dans une salle secrète. Tout ça me fait dire que, a priori, c'est quand même pas très très transparent et pas une très bonne nouvelle pour nous. Et c'est un renforcement du dogme du libre-échange absolu, dont on voit qu'il détruit les emplois. Il a d'abord détruit l'agriculture, il détruit l'industrie française. Et ce qui fait d'ailleurs que maintenant la France, ce n'est quasiment plus qu'une société de services, ce qu'on appelle le secteur tertiaire. Et Sauf l'industrie nucléaire, mais qu'on veut précisément démanteler. Ce qui fait d'ailleurs que maintenant, c'est plutôt un pays pour touristes, un musée, la France, et que ce pays a perdu beaucoup de dynamisme. D'ailleurs, vous savez qu'on fait souvent la comparaison, les Français partent et les immigrés rentrent, puisqu'au fond, officiellement, il y a environ 230 000 immigrés qui rentrent légalement, sans compter les clandestins, chaque année, et qu'il y a environ de 200 000 Français, pour ces dernières années, qui partent. Et souvent, ces Français qui partent, ce sont des gens qui sont jeunes, qui sont diplômés, qui sont dynamiques, et qui partent en général, d'une part, parce que la pression fiscale et sociale est absolument insupportable en France, que l'on pénalise la libre initiative, la libre entreprise. Un chef d'entreprise me disait récemment, mais la dernière chose qu'en France un chef d'entreprise va faire, c'est d'embaucher. Ce qui est dramatique, alors que nous avons un chômage massif, mais tout simplement parce que le droit social, les contraintes On va venir justement sur la loi du travail. Qu'est-ce que vous inspire la loi du travail ? Est-ce que c'est une vraie loi ? Est-ce que c'est un ballon d'essai qui est fait pour être, comment dirais-je, rejeté précisément, pour peut-être faire une pierre d'attente pour une politique de la droite quand elle viendra au pouvoir ? Qu'est-ce que c'est que cette loi qui ne peut pas passer, qui ne fait plaisir à personne parce que la droite n'y croit pas et la gauche n'en veut pas ? Comment peut-on faire l'analyse d'un tel projet ? Alors déjà, le Front National a s'y opposé, sauf Ménard, hein, qui a dit sur LCI que le Front National avait tort de s'y opposer, qu'il fallait qu'il y ait une forme de déréglementation, de dérégulation, mot qui plairait au président Lesquin. Des articles que j'ai vus de cette loi, il y a des choses qui me paraissent en soi plutôt positives si elles étaient appliquées, comme par exemple ce qui concerne les prud'hommes. Parce qu'il est certain qu'il est tout à fait normal qu'un licenciement abusif soit sanctionné, mais moi j'ai constaté autour de moi un certain nombre de chefs d'entreprise avec des salariés indélicats qui demandaient des sommes colossales sans raison valable ou proportionnée aux prud'hommes et qui les obtenaient et qui mettaient en danger l'entreprise. Et je disais tout à l'heure que si les chefs d'entreprise hésitent à embaucher, c'est précisément parce qu'on ne sait jamais comment va évoluer un employé, un salarié. Ça, c'est vrai. Mais alors, comment analyser cette proposition ? Comme qu'il y a beaucoup de choses, elle revient sur les 35 heures, elle n'y revient pas. Enfin, quelle est l'idée, à votre avis, du gouvernement ? Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire ? Je crois que François Hollande a dit qu'il voudrait que le chômage baisse avant la fin de son quinquennat et qu'il est évident que si on veut s'orienter dans cette direction, ça n'est sûrement pas en mettant des entraves supplémentaires au travail, à la libre entreprise. Donc peut-être qu'il y a une volonté timide, j'espère un véritable effet de cette loi. D'aller dans ce sens, même si à mon avis ça me paraît tout à fait insuffisant, parce que le principal problème pour l'embauche en France, c'est le poids des charges, qui est absolument excessif, absolument insupportable, surtout qu'il s'ajoute déjà aux charges considérables sur les ménages, sur les foyers, et il est évident que cela devient insupportable. C'est même de la spoliation. On parle toujours de la dîme, de l'ancien régime, etc., mais je rappelle que sous l'ancien régime, on n'a jamais pris plus de 13%, plus que 13% des revenus. Bon, on en est loin aujourd'hui. Hein. Leur République, de ce point de vue-là, spolie véritablement les gens. Parce que, par exemple, un impôt comme le droit de succession, c'est quelque chose d'abominable. Je veux dire, des gens qui, par leur talent, leur fortune, leur travail, ont réussi à avoir un certain nombre de biens, leurs enfants ne peuvent pas en bénéficier, ce qui fait qu'en quelques générations, même une fortune, finalement, est complètement liquidée. Bon, l'impôt sur la fortune, quelque chose de tout à fait scandaleux. Les gens qui, par leur talent, par leur travail, moi je n'ai pas de sympathie particulière pour Gérard Depardieu. Enfin, incontestablement, c'est un acteur de grand talent. Et si, grâce à ses mérites, à son travail, à son talent, il a bien réussi, il n'y a aucune raison de le sanctionner. Qu'on lui demande davantage d'efforts qu'un smicard, c'est tout à fait légitime. Mais encore faut-il que ce ne soit pas confiscatoire. Et il me paraît qu'il y a là, encore une fois, je le disais tout à l'heure, l'envie. Bon, eh bien, je crois que ce côté égalitaire, communisant, est absolument, me semble-t-il, insupportable. Et maintenant, véritablement, les familles ne peuvent plus, à travers les générations, conserver leur patrimoine, ce qui est quand même fâcheux, parce que la France, c'est aussi toutes les générations qui nous ont précédés, tous nos aïeux, qui ont essayé d'embellir le pays, de l'enrichir. l'enrichir, de l'améliorer, et tout cela est détruit. Surtout que encore faire un effort s'il s'agissait d'améliorer la situation des pauvres Français, etc., des gens qui sont dans la difficulté, on pourrait le concevoir. Mais si c'est pour rembourser l'avortement, si c'est pour faire l'aide médicale d'État, hein, donc aux immigrés clandestins qui n'ont rien à payer et dont certains viennent exprès pour se faire soigner. Hein. Je connais quelqu'un qui est dialysé, qui me disait que la moitié des dialysés à Paris, ce sont des étrangers extra-européens et qu'une dialyse, ça coûte 100 000 euros par an. 100 000 euros par an, une dialyse. Bon, compte tenu du personnel, d'outils extrêmement performants et coûteux et dispendieux, bon, eh bien, il est certain qu'on pourrait multiplier ce genre de choses, sans compter l'argent qui est dépensé à des associations plus nocives les unes que les autres. Et donc, il est certain qu'il faudrait vraiment diminuer considérablement les impôts. Le Front National, pendant longtemps, proposait la suppression... Je termine, excusez-moi. Proposait la suppression en 5 ou 7 ans de l'impôt sur le revenu à l'instigation du coruscant Jean-Claude Martinez. Et je crois que c'était quelque chose qui était très positif pour justement essayer de redonner du dynamisme dans l'économie et donner avoir envie aux gens de travailler. Parce que finalement, en France, bien souvent, sans travailler, en travaillant au noir, eh bien, on peut gagner davantage qu'en travaillant de manière légale. C'était une excellente proposition, mais on est bien loin de la loi El Khomri. Alors, je vous rappelle que nous sommes sur Radio Tour Courtoisie, le libre journal de la liberté surveillée, avec Jérôme Bourbon et Charlotte Dornelas. Sœur Charlotte, une question pour vous d'un auditeur. Est-ce que vous avez des nouvelles de Karakoche ? Alors, Karakoche, qui est une ville en Irak, pour le coup, pas en Syrie. Et les nouvelles de Karakoche, les dernières que j'ai eues, c'est par une religieuse originaire de Karakoche qui vit au Kurdistan irakien, qui est réfugiée comme toute la population au Kurdistan irakien. Et Karakoche n'est toujours pas accessible à la population du village qui a fui vers le Kurdistan irakien quand l'État islamique a pris la ville. Voilà. Donc je crois que les combats sont toujours en cours et qu'en tout cas, la ville n'est pas encore accessible. D'accord. Alors, ce que vous disiez tout à l'heure du libre-échange, Jérôme, va me servir de transition pour venir à l'Europe, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand le communisme ne marchait pas, les adeptes du communisme disaient « Ah ben c'est parce que le communisme n'est pas bien appliqué, il faut plus de communisme ». Aujourd'hui, c'est exactement la même. Ou alors parce qu'on ne l'a pas compris. Mais c'est exactement la même chose pour le libre-échange. Moins ça marche, plus il en faut. Et c'est la même chose pour l'Europe. L'Europe, moins ça marche, plus on ne fait pas assez d'Europe. C'est pour ça que ça ne marche pas. Alors, quand même, dans les quelques jours qui viennent de passer, on s'est rendu compte quand même qu'il y a énormément de choses qui coincent en Europe. Vous avez le Brexit, la menace du Brexit, avec les Anglais qui sont quand même très remontés. On voit bien que le Parti conservateur est en train de se scinder, carrément. Vous avez la politique agricole commune qui ne marche plus du tout, puisque les agriculteurs en France sont au bord de la ruine, et ça ne va pas mieux en Grèce, vous avez tout ça. Et puis vous avez aussi les problèmes de la zone euro, qui est entrée, officiellement en déflation, ce qui fait que l'ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre, qui s'appelle Mervyn King, a déclaré que l'euro était condamné et que c'est plus intéressant, un type de ce niveau. Il pense que les élus veulent forcer les peuples et que cela finira non seulement les élites, par une crise économique, mais aussi par une crise politique. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ce gouvernement, gouverneur de la Banque d'Angleterre, et surtout, qu'est-ce qui va advenir de l'Europe avec toutes ces contradictions extrêmement graves, aussi bien agricoles que monétaires ou que politiques, qui viennent de se manifester avec l'Angleterre qui, vraisemblablement, il y a une bonne chance de voter non au référendum de juin. Qui veut répondre en premier ? Alors effectivement, la crise est l'heure est grave pour l'Union européenne. Il y a effectivement cette question de l'Angleterre qui est un pays particulier, qui a un pied dans l'Europe, l'autre pied hors de l'Europe et qui se joue aussi un petit peu de nous sur cette question-là. Si elle sort, il faudrait qu'elle sorte totalement, notamment sur la question financière. Bon, c'est un autre sujet que je ne maîtrise pas particulièrement en plus, mais il y a cette question du Brexit, il y a aussi la question que vous n'avez pas évoquée, mais la question migratoire, qui est, je pense, qui met l'Union européenne assez en porte-à-faux par rapport aux peuples européens. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'effectivement, l'Union européenne est extrêmement fragilisée, ça craque de toutes parts, sur des sujets très différents, mais sur tout ce qui la constitue, et qu'elle est remise en cause par tout le monde. monde et par tous ces toutes ces problématiques, et tous les européistes convaincus qui nous vendent l'Europe depuis, enfin l'Union européenne depuis des années, ne cessent de nous dire, écoutez, il faudra plus d'Europe effectivement pour s'en sortir. On voit David Cameron qui effectivement tient sa promesse. Il a été élu pour, il a été élu notamment parce qu'il avait promis ce référendum et il le tiendra. Mais on voit David Cameron qui dit, mais sortir de l'Union européenne, ce serait retourner dans les ténèbres. On fait appel à des, à, voilà, le grand méchant loup. Alors on nous a dit pendant des années que l'extrême droite en Europe surfait sur la peur des peuples. J'entends Jean-Christophe Cambadélis qui dit le retour de la droite, ce sera un bain de sang en France. J'entends David Cameron qui nous dit sortir de l'Union européenne, ce serait repartir dans les ténèbres. J'ai pas l'impression que ce soit à l'extrême droite qu'on fasse le plus peur. En tout cas, qu'on agite des menaces qui n'en sont pas. Je crois que ce qui est assez significatif, c'est que pendant que les élites européistes, en tout cas ceux qui tiennent les rênes dans les différents pays européens, continuent à dire non mais il faut plus d'Union européenne, c'est que vous ne l'avez pas comprise, on n'a pas mis tous les moyens en place pour bien l'appliquer, etc. Les peuples qui constituent cette Union européenne, eux disent mais attendez, nous si on refuse aujourd'hui l'Union européenne, c'est précisément parce qu'on veut sauver l'Europe. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que apparaît cette contradiction qui existe depuis le début entre l'Europe, ce qu'est l'Europe, c'est-à-dire ses peuples, et ce qu'est l'Union européenne, c'est-à-dire une construction qui apparaît de plus en plus quand même être une construction contre l'Europe elle-même. Et je pense que cette schizophrénie un peu qui n'en est pas vraiment une puisque l'Union européenne est assez artificielle par rapport à ce qu'est l'Europe, n'inquiète pas les peuples. Si aujourd'hui ils se dressent contre l'Union européenne, c'est précisément parce que l'Union européenne, ils se rendent compte que c'est un mal, mais c'est pas, l'Europe n'est pas en danger, c'est précisément pour la sauver qu'ils se dressent contre l'Union européenne. Et ça, j'ai l'impression que c'est jamais repris par les dirigeants. Peut-être que ce serait reconnaître C'est surtout, si vous me permettez de vous interrompre, c'est que leur sophisme fondateur, c'est de confondre volontairement l'Europe et l'Union européenne. Bien sûr, mais ça a marché, on peut dire, pendant des années et des années. Et aujourd'hui, on est en train de se dire, bah, en fait, ça ne marche pas. Parce que, et notamment, je pense que la crise migratoire, pour ça, a ouvert les yeux de beaucoup de gens. C'est-à-dire que l'Union européenne n'a cessé de dire, mais non, mais il faut en accueillir toujours plus, a passé des accords complètement absurdes, notamment avec la Turquie qui nous mène par le bout du nez. Même là, avec la question de l'Angleterre, bah, qu'est-ce qu'on fait avec la. Enfin, voilà, il y a plein de questions qui se posent les unes après les autres, et on se rend compte que l'Union européenne prend exactement la décision inverse de tout ce que les peuples européens demandent à leurs gouvernements respectifs, puisqu'ils n'ont pas directement de pouvoir sur l'Union européenne. Et on se rend compte qu'en fait, ces gens-là sont complètement déconnectés. Donc, la survie du travail de quelques bureaucrates à Bruxelles ou ailleurs intéresse peu des peuples qui sentent qu'ils sont en train de jouer leur survie. Alors, sur la question de l'immigration, c'est vrai, mais aussi sur la question, par exemple, de ce qu'est l'Europe, de ce qu'a été l'Europe. C'est-à-dire qu'on voit, vous évoquiez tout à l'heure la question de la manif pour tous, qui a eu des relais dans d'autres pays. On voit qu'en Italie, ça a marché très bien aussi. Alors, la France s'est réveillée la première sur cette question-là. Hein. D'autres pays ont légalisé tout ça sans aucune opposition populaire. Mais je crois que l'Europe se sentant menacée par une vague migratoire énorme, se dit, mais finalement, nous qui on est, et qu'elle se rend compte avec effroi qu'elle n'est plus rien, en fait, qu'elle n'est plus personne. Et donc, toutes les questions se posent en même temps, et ces questions existentielles sont bien plus importantes, je crois, pour ceux qui s'intéressent à la question politique dans le peuple, que effectivement la survie d'une Union européenne qui a joué contre l'Europe en permanence. L'Union européenne, dès l'origine, naguère, elle s'appelait la CE, Communauté économique européenne, a été le cheval de Troie des États-Unis d'Amérique, de l'ONU, du mondialisme. Et on sait par exemple que le Parlement européen, très tôt, fait voter un certain nombre de dispositions relatives aux droits des lesbiennes, des transsexuels, etc. Au début des années 80, notamment, c'était le groupe des Verts ou de l'extrême gauche, de l'ultra-gauche européenne qui était en pointe dans ce genre de questions, dont on pouvait penser à l'époque naïvement qu'il s'agissait là de des initiatives de quelques marginaux, de quelques extrémistes de gauche ou écolo-gauchistes. Et malheureusement, les faits ont montré que ces dispositions finissaient par entrer dans les législations de la plupart des pays d'Europe et même au-delà d'Europe, puisque c'est le cas dans beaucoup de pays, même du continent américain. Donc l'Union européenne, si on en fait le bilan, c'est un désastre depuis 60 ans, parce que cela a défait les nations européennes, et singulièrement la France, mais sans créer une Europe. Ça n'a pas créé une Europe parce que, d'abord, elle a été fondée sur des questions mercantiles, économiques, financières, et non pas sur un véritable projet politique avec un grand dessein. Et je pense aussi que si elle n'a pas réussi, qu'elle n'a jamais eu d'âme, c'est tout simplement parce que elle a eu lieu à un moment donné de profonde déchristianisation et déspiritualisation des peuples. C'est que lorsque l'on parle d'Europe, forcément, on fait référence, même implicitement, à la civilisation chrétienne, hein, aux cathédrales, à la féodalité et à la richesse spirituelle et culturelle, artistique et humaine de l'Europe. Or, il est évident que, eh bien, du fait de la déchristianisation, dont les causes évidemment sont multiples, il y a bien sûr Vatican II, il y a l'essor de la technoscience, de la télévision, dont on ne niera jamais l'élément de déstabilisation des foyers. Je rappelle que les ah oui, mais revenez à alors, votre point reviens, qui oui, est l'Europe. Excusez-moi, oui, parce que je oui. Alors oui, donc l'Europe, il est sûr que l'Union européenne, eh bien, a été un élément et continue à être un élément de, si vous voulez, la France, elle est à la fois menacée à la fois par l'immigration massive, mais également par ce qu'ils appellent la construction européenne, qui a vu le fait que nos frontières ont disparu, que dans le protocole, le drapeau européiste, vous savez, bleuâtre, l'emporte sur le drapeau national, hein, il est premier, ce qui est quand même très, très, très, très, très symbolique, très, très, très important. Et un pays qui n'a plus de frontières. C'est un petit peu comme si une maison n'avait plus de portes et de fenêtres, ou si les portes et les fenêtres étaient ouvertes. Hein, on en voit parfois au bord de la route. En général, l'état de ces maisons est assez catastrophique, assez rapidement. Bon, donc, la disparition des frontières intérieures à l'Union européenne, c'était véritablement une folie. Mais une folie qui était voulue, parce que derrière tout ça, évidemment, il y a un projet mondialiste de liquidation des nations. Il est certain qu'avec la monnaie unique, il n'y a plus de budget commun, il n'y a plus d'indépendance budgétaire. Et avec les traités d'Amsterdam, de Nice, même toutes les questions relatives à la sécurité de Lisbonne par la suite, les questions relatives à la sécurité, à l'immigration, ont été pour l'essentiel transférées à l'Union européenne. 80%, on le sait, des lois dans la législation française viennent de la commission de Bruxelles, qui de surcroît n'est pas élue mais nommée. On sait que l'article 55 de la constitution française édicte que les traités européens et intranationaux l'emportent sur les lois françaises. Sous réserve de réciprocité. Supériorité donc du droit européen sur le droit national, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, il y a une perte totale de la souveraineté nationale, donc à la fois une liquéfaction de l'identité française. Alors, Jérôme, à travers l'immigration de masse vous, mais et la souveraineté française avec l'Union européenne. La question, aujourd'hui, il semblerait qu'à un très, très haut niveau, parce que je parle quand même de l'ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre, ou de certains ministres, il semblerait justement que ce phénomène commence à être perçu par une part des élites qui, finalement, ont peut-être peur que le système n'éclate. Parce que c'est la question, quand on dit « Attention, le système, nous, élites, nous forçons les peuples, et ça va faire une très grave crise politique et économique », c'est qu'ils sont, je dirais, c'est comme tout à l'heure en matière de politique intérieure, c'est que la réalité s'impose. Elle s'impose comme elle s'impose à Valls, comme elle s'impose à tout le monde. Alors, est-ce que c'est une tactique pour, comme quand on laisse un peu de mou à un poisson pour que la ligne ne casse pas, ou bien est-ce que il va vraiment y avoir un changement politique? Moi, je ne sais pas. Je j'attends votre. Mais c'est-à-dire que la crise politique, c'est-à-dire vraiment la crise politique inquiétante pour ces élites, elle pourrait advenir à partir du moment où il y aurait suffisamment de gens qui n'ont plus rien à perdre. Or, quand on voit l'appauvrissement galopant qu'il y a dans les sociétés européennes, il y aura bientôt, il est clair, de plus en plus de gens qui n'auront plus rien à perdre. Et là, ça devient dangereux, effectivement, pour ces élites. Alors qu'elles se réveillent de bonne foi ou réellement qu'elles prennent conscience du désastre dans lequel elles ont plongé les pays européens est une chose. Qu'elles le fassent par calcul pour sauver leur place ou leur peau, c'en est une une autre. Mais il est vrai qu'il faut être aveugle aujourd'hui pour pas voir pointer une crise grave, qu'elle soit économique, politique, et tout simplement même... Et financière aussi, parce que ça, elle guette. Si on voit à la fois la déflation dans la zone euro et la politique monétaire des Chinois... Ça va vraiment être quelque chose d'assez grave. Alors j'ai des questions très rapides parce que on arrive vers la fin de. C'est encore une question personnelle pour Charlotte. Vous avez des aficionados. Que devient le siège de Der Es-Zor? C'est un siège capital et personne n'en parle. Alors qu'est-ce que c'est que Der Es-Zor? Je ne connais pas. Der Es-Zor, effectivement, c'est une poche. Et alors, je dois vous avouer que tout change très vite à Der Es-Zor et que les nouvelles ne sont pas fraîches. Donc, je suis absolument navrée, mais je préfère m'abstenir plutôt que de dire des bêtises. Tout à votre honneur. Bon. Alors, oui, j'aimerais quand même. On a encore un petit quart d'heure. C'est vrai qu'on parle un peu de Calais, puisqu'il y a ce fameux déménagement de Calais qui est en route. J'ai vu l'autre jour, avant-hier, sur le Figaro, quelque chose d'assez amusant. Ce sont, si on peut dire, ce sont des réfugiés, tant afghans que même syriens, qui disent... qui ont été interviewés, qui disent « J'ai fait une erreur en venant, je ne veux plus pourrir ici », puisqu'en plus, il y avait des fêtes de guérilla à l'intérieur de la jungle, ou de ce qu'on appelle la jungle. Et donc, ils demandent au consulat d'organiser leur retour, tant en Afghanistan qu'en Syrie. Alors, je me dis, est-ce que Cazeneuve et Hollande n'ont pas enfin trouvé une solution au problème de l'immigration? C'est que jusqu'à présent, nous avions des pompes aspirantes, le système social, mais maintenant, on a une pompe refoulante qui est Calais. Est-ce qu'il ne faudrait pas généraliser Calais partout pour que ils se sentent mieux chez eux que chez nous? Je ne crois pas du tout, parce que de toute façon, ces gens qui sont à Calais, ils vont être disséminés un peu partout en France. D'ailleurs, c'est ce qui se passe à chaque fois qu'il y a des squats ou des phénomènes de ce type. Eh bien, lorsqu'il y a une forme de nettoyage, en quelque sorte, ça n'est jamais pour les renvoyer en dehors des frontières nationales, qui d'ailleurs n'existent plus, disons, en dehors du territoire national, pour être plus précis. Et au contraire, on les dissémine souvent dans des villages, ce qui fait les ruraux s'en passerait volontiers et par conséquent je ne vois pas là quelque chose de positif. Au contraire, je crois que ça va disséminer le mal. Vous ne croyez pas que certains... mais effectivement, c'est très... Je plaisantais, c'est très minoritaire. Il y a une centaine de cas. Mais on pourrait essayer de faire généraliser. Charlotte, vous avez opinion ? Pour revenir sur la question de Calais, c'est particulier Calais en plus, parce que effectivement, mais ils ont déjà essayé en novembre d'en envoyer un certain nombre ailleurs en France. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont tous revenus à Calais pour la bonne et simple raison que l'intégralité des personnes qui se trouvent à Calais, que ce soit dans la jungle à Calais ou alors dans celle de Dunkerque qui s'appelle Grand-Synthe, veulent partir en Angleterre. Ils n'ont que ça en tête et ils ne veulent absolument pas rester en France. Donc les disséminer, c'est simplement les faire revenir à Calais quelques jours plus tard. Et ça s'est constaté, notamment les CRS le disent tous à Calais, ça s'est constaté en novembre dernier quand il y a eu une vraie crise à Calais et que Manuel Valls a ordonné que beaucoup soient envoyés ailleurs en France. Ils sont tous revenus à Calais. Après, il suffit de passer une demi-journée dans cette jungle ou une journée pour se rendre compte que tous le disent. L'intégralité des gens que j'ai rencontrés à Calais, des migrants, réfugiés, clandestins, selon les différentes personnes. Excusez-moi, une question. C'était des quoi ? C'était des migrants économiques, c'était des... Alors, il y a vraiment de tout, hein, honnêtement. Il y a des gens qui, effectivement, ont fui la guerre et donc ont fui pour leur survie. Il y a des gens qui ont fui aussi des pays dans lesquels ils ont... Enfin, pour des raisons politiques, c'est-à-dire une question, notamment, j'ai rencontré des Éthiopiens qui étaient condamnés à mort chez eux pour des raisons politiques. Après, il y a des Koweïtiens. Alors là, les Koweïtiens, ils viennent parce qu'ils cherchent un travail plus avantageux ici que chez eux. Il y a des Sénégalais qui viennent pour les mêmes raisons. Donc il y a beaucoup de migrants économiques, effectivement. Il y en a qui réellement fuient la guerre. Et c'est bien le drame de cette crise crise migratoire et surtout de la manière dont elle est traitée, en fait, c'est que à force d'exaspérer, on n'a plus la force ni la volonté de faire la distinction, et que là où on pourrait se grandir en accueillant les gens qui auraient réellement besoin de la France et ce qu'elle a fait et ce qu'il est normal de faire, on peut plus le faire. D'abord parce qu'on n'a plus les moyens, parce qu'on a accueilli tout le monde de la même manière, parce qu'il est interdit de poser ces questions-là. Mais il suffit d'aller parler à ces gens-là pour se rendre compte que ce sont les derniers choqués par les questions elles-mêmes, en fait. Et pour revenir sur la question des retours volontaires, alors évidemment, ceux qui vont faire la démarche du retour volontaire sont peut-être pas très nombreux, mais en revanche, l'intégralité des gens que j'ai rencontrés dans cette jungle m'ont dit « mais si on avait su, jamais on ne serait venu ». Et ça, ils le disent tous. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que s'il y avait une volonté politique de préserver en fait la France et notamment le moral et les nerfs des Français qui n'en peuvent plus en fait de cette question-là, notamment des Calaisiens en l'occurrence, la décision politique ce serait de promouvoir ce retour volontaire. Il n'est pas normal quand même que ces gens-là aient besoin de faire 15 démarches pour trouver enfin quelqu'un qui leur dise ah bah oui bah on va essayer de vous aider, parce que c'est ça la vérité, c'est que ceux qui veulent rentrer, et ça je l'avais constaté également à Lampedusa ou en Sicile, ceux qui veulent rentrer ne trouvent pas, enfin c'est compliqué pour eux de trouver un moyen de rentrer chez eux, parce que la plupart ont dépensé tout leur argent pour venir et qu'il est compliqué, ils peuvent pas acheter juste un billet d'avion. En revanche, ils coûtent beaucoup d'argent ici, et donc on pourrait utiliser cet argent pour les aider à rentrer, et ça n'est pas simplifié comme démarche. En fait, ces questions de retour volontaire mais de démantèlement aussi de la jungle montrent une chose, c'est que en tout cas ce qui est sûr, c'est que les associations d'extrême gauche qui régissent aujourd'hui la jungle, pas les associations humanitaires, parce qu'il y en a certaines qui font un travail qui est malheureusement nécessaire aussi, mais les fameux no borders qu'on voit et qui tiennent les rênes de cette jungle là n'ont aucune volonté en fait d'écouter d'une part ces gens-là, ce qu'ils ont à dire, et en fait ce qu'ils ont à dire c'est simplement on veut tout faire pour ne pas être ici, donc si on pouvait le dire dans leur pays d'origine ils seraient contents aussi, et voilà, ils sont contre le démantèlement alors que c'est un tas de boue immonde, enfin je veux dire ils sont en permanence, ils révèlent à chaque nouvelle initiative par rapport à cette jungle qu'ils se servent simplement de ces clandestins et qu'ils ont absolument mais aucune il n'y a pas du tout de charité ou même de solidarité. Ils se fichent éperdument de ce que bien peuvent, de ce que peuvent bien penser ces gens. Ce sont des militants révolutionnaires comme les gens du DAL. Exactement. Ouais. Donc ils se servent. En fait, quand on parle avec eux, c'est assez frappant. C'est qu'ils se servent de cette cause comme de beaucoup d'autres pour justifier leur haine d'eux-mêmes. Mais vraiment, même voilà, les no-borders en l'occurrence, ils sont essentiellement anglais. Mais c'est de toute façon, on se doit bien ça. De toute façon, qu'est-ce qu'on a à protéger? Mais qu'est-ce qui va disparaître? Ils savent plus qui ils sont et en fait ils haïssent le peu dont ils se souviennent. Donc et en fait il y a même pas de question. Donc ce chantage à l'affectif ce sont des personnes. Je crois qu'on est plus préoccupé nous par des personnes en essayant de trouver une solution raisonnable et en disant mais on ne peut pas accueillir ces gens-là. Beaucoup fuient des pays qui n'ont pas besoin de fuir et toute personne est mieux chez elle. Le premier droit de ces gens-là est de rester chez eux et je pense qu'on se préoccupe beaucoup plus de l'âme, du corps, de l'esprit, du cœur de ces gens-là. En essayant d'avoir un discours prudent sur l'immigration et sur les parcours et les vies de ces gens-là qui sont, soyons clairs, abominables. Vivre dans la boue avec ses enfants, c'est quand même pas... Il faudrait peut-être faire des vidéos de pédagogie pour les pays... Vous savez que c'est ce qui m'a été dit par... alors c'était un Sénégalais en l'occurrence. Ah oui. Il m'a dit, mais en fait, moi, je n'ai qu'une idée en tête, c'est de retourner au Sénégal et de tourner des vidéos pour leur dire, mais oui. L'Europe, c'est pas ce que vous mais voyez à la aider. Télévision. Bien sûr. Bien voilà. Sûr que c'est ça. Mais ces gens-là ne trouvent aucun relais dans les associations qui, soi-disant, s'occupe d'eux. Alors, Jérôme, il faut bien comprendre que, on le voit en Allemagne avec Mme Merkel, mais on le voit également en France, les dirigeants des pays européens, sauf en Hongrie ou dans quelques exceptions, sont là véritablement pour nous détruire. Parce qu'il est évident que rien n'oblige la France et les autres pays européens à accueillir ces migrants ou prétendus migrants. Or, il est évident que, alors même que nous avons des millions de chômeurs, que comme je le disais tout à l'heure, les dettes et les déficits explosent, et que c'est une véritable folie, parce qu'on ne s'occupe pas des agriculteurs. Les retraites agricoles sont, puisqu'on parle en plein salon de l'agriculture, les retraites agricoles sont extrêmement faibles. Il y a un nombre de suicides de plus en plus important chez les paysans, et d'ailleurs, il faut être héroïque pour vouloir être paysan aujourd'hui, puisque tout va contre cela. Eh bien, on voit très bien que la priorité du gouvernement français, comme de la plupart des gouvernements de l'Union européenne, eh bien, c'est précisément d'accueillir toujours davantage, au détriment des Français, eh bien, des immigrés que rien ne rattache à la France. Ni la religion, ni les racines, ni la famille, et qui sont évidemment un élément aggravant des problèmes déjà considérables auxquels nous avons à faire face. Et il y a là une fausse compassion qui est absolument insupportable, parce que comme le dit l'adage, charité bien ordonnée commence par soi-même, sinon c'est un désordre. Que penserait-on d'un père de famille qui donnerait abondamment à ses voisins de palier, mais qui ne donnerait rien ou très peu, ou avec parcimonie, à ses propres enfants? On dirait à juste titre que c'est un père indigne. Et à la même façon, nous avons des gouvernements qui se conduisent en père indigne et qui le sont véritablement. Et il me paraît qu'il faudrait donner un grand coup de balai à cette classe politique corrompue et nuisible. Et d'ailleurs, puisque vous parliez d'agriculture, c'est là-dessus que je voulais terminer, c'était ma dernière question sur l'agriculture, il semblerait que les paysans soient disposés maintenant à le donner, ce coup de balai, parce que il est tout à fait extraordinaire que le salon de l'agriculture ait réagi de la façon dont il a réagi à l'avenue du président de la République. C'est sans précédent aucun. Bah c'est une population où il y a un suicide tous les deux jours, où des gens se lèvent le matin pour travailler énormément à perte. Et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est cette sorte de gens qui n'ont plus rien à perdre. Et donc qui sont prêts effectivement à siffler le président de la République, à lancer des noms d'oiseaux, à détruire ce stand, et le lendemain à dire le président de la FNSEA s'est excusé, mais nous on ne s'excuse pas, et qui continue à le dire devant les caméras: attendez, on parle d'un suicide tous les deux jours, qu'est-ce que vous venez nous parler de sifflement? Donc effectivement, ce sont des gens qui n'ont plus rien à perdre, ils sont tous au bord du suicide, complètement désespérés, voilà, c'est une population qui peut faire peur effectivement. Et ils ont fait même tellement peu à perdre qu'ils ont fait plutôt bon accueil à Marine Le Pen et à sa nièce, donc effectivement là ils sont au bord. Mais on parle de l'agriculture française, mais l'agriculture grecque est encore encore pire, c'est catastrophique. Ils sont au bord du collapsus. Alors on me fait signe que l'émission se termine. Alors je voulais vous faire des compliments qu'on vous a fait tout au long. Jérôme Bourbon est plébiscité, on cite Guy Béard pour lui, il a dit la vérité. Et alors la pertinence des analyses, l'élocution agréable et les connaissances de votre invité et eux sont remarquables. Donc vous avez été tous les deux extraordinaires et je vous en félicite et je vous en remercie. Charlotte, une seconde? Oui, juste une seconde, je voudrais faire une annonce. J'appartiens par ailleurs à l'association SOS Chrétien d'Orient qui organise des concerts avec une chorale de 150 Syriens qui viennent chanter des chants aussi bien byzantins, syriaques, arabes et français un peu partout en France. Donc vous pouvez aller sur le site de SOS Chrétien d'Orient pour voir les dates, mais ne ratez pas cette occasion unique. Merci, je l'ai annoncé déjà tout à l'heure. Voilà. Et le banquet de Rivarol, 9 avril. 40 euros. Bon, vous avez fini de vendre votre soupe. Allez, bonsoir, c'est fini. La liberté, c'est terminé. Merci beaucoup. Au mois prochain. Au revoir, chers auditeurs. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal de la Résistance française, dirigé aujourd'hui par Martin Pelletier, diffusé en direct mercredi 2 mars 2016 de 18h à 21h. Il est diffusé en différé jeudi 3 dans la nuit de 2h à 5h, dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal a été réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros.